Et on rappelle que Gérard est là ce soir, et que comme c'est son anniversaire ce soir et qu'il fête ses 39 ans, il a fêté ça ce week-end, c'était quand exactement? C'était samedi, hein? Samedi, ouais. Ouais, j'ai fait adjoindre, mais ça sonnait tout le temps occupé, à mon avis, tu dois recevoir pas mal de coups de fil, alors j'ai le numéro qui doit être éreinté. Sur le mien? Ouais. Ben, samedi, t'as personne à, on dit comment, on dit éreinté ou erroné? Erroné. Erroné, c'est ce que j'allais dire, oui. Mais éreinté, hein. Bah, je sais pas, j'essaie d'inventer du vocabulaire comme toi. Oh là là. Ah là, il y avait un chiffre éreinté. Donc, je sais pas, ça fonctionnait pas. Bah, t'as qu'à demander à l'autre espèce d'andouille qui donne le bon, là. Tu vois, moi j'étais à Quintena, je faisais des courses pour le bricolage. Non, mais c'est Manu qui m'a laissé le numéro de téléphone. J'ai un football, moi. Ouais, ils m'ont donné le numéro de tête, mais tu m'as donné son numéro de bureau. Ah oui, pardon. Ah ouais, j'ai donné numéro au travail, t'es pas derrière ouvert, le buisson, derrière le buisson à droite de l'arbre. Tu bosses pas le samedi soir? Non. C'est pas ouvert la NPE le samedi soir. Si, le café, bien sûr. Non. Si, la NPE, le café à sur Rennes, oui. Un bon café. Hein. J'ai cherché à te joindre dans mon bureau, mais t'y étais pas. Après, ils m'ont donné ton numéro à la baraque, ta villa. Non, mais il devait être dans la piscine, c'est pour ça. N'importe quoi. Tu devais n'importe quoi. Ou dans la salle de muscu ou au sauna. Ouais, c'est ça, t'as raison. Tu y étais, toi, à la salle de muscu, non? Non. J'ai fait un foot, je t'ai dit. Ah, ouais. C'est parti en Pélas Opérapie? Non. Ah bon, on m'a dit que t'étais parti en Pélas Opérapie avec un. Il s'est roulé dans la boue qu'il y avait devant, là. Il est con, celui-là. T'es vraiment une cave, toi. Hey, heureusement, tu te restes plus longtemps à tirer ici, ah parce là que là. Tu deviens fou. Hein. T'as pris des couleurs, le bain de merde, ça te. C'est chez lui, il n'y a pas de toit. C'est pour ça. On a un toit. Il s'expose, il y a toi qui décrotte de mieux. N'importe quoi, enfin. Oh là là là là là là là là. Mais moi, ça me fait pas rire, hein, ce que vous me dites. Ah, moi non plus. Ah, non, d'accord, je rigole. Parce que des fois, il y a des gens qui puissent penser que ça nous fait rire. Non, non, non. Croyez-moi que c'est pas drôle. Ah, bon, donc alors, comment s'est passé? Qu'est-ce que c'est comme cadeau? Bibine, Adidas. C'est parfait. Une, ouais. Une pompe Adidas, une. Et, non, pas. Et attention, pas la bonne pointure. Ah là là là là là là. Elle a donc, ramené. T'as eu du parfum Adidas? Ouais. T'aurais pu nous faire la primeur, on va mettre ce soir. Non, j'ai mis du brut ce soir. Brut de Fabergé. Ah ouais, d'accord. C'est du cidre, ça, non? N'importe quoi, toi. C'est du brut de berger. Non, sinon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais, ouais, on l'a fait avec Bibi, et puis le lendemain, on a été chez son père, on a continué. À quoi, ouvrir les foutre du brut? Ouais. Comme tu dis. Vous avez fait quoi, une bataille de brut? Non, non, on a fait une bataille de bouchons de champagne vendredi. Samedi. C'est-à-dire hein? Bah avec Bibi. C'était à qui ouvrira les bouteilles le plus vite. D'accord. Ah bah, donc, j'ai été plus ah bah c'est clair. Hein. Et là, t'as arraché avec toi, t'as perdu ta dent. Non. On a commencé vendredi soir à faire l'anniversaire avec Bibi. Qu'est-ce que je vois au doigt, là, dis donc? Il y a longtemps. C'est une bague de fer, ça. Il y a longtemps. Même là, j'ai. Oh, c'est les bagues que tu mets aux pigeons, ça. Oh, le gitan. Ouais, ça fait comme toi, elle est où la tienne? T'es venu en roulotte ou quoi? Elle est où la tienne? T'as des poules? Elle est où la tienne? Bah, quand je vois que t'en as trois d'avance sur moi, je les ai enlevées, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Putain, j'avais pas vu que t'avais autant de. Fais voir, mais j'ai des chevaliers. Regarde, t'as peut-être un message de l'autre. Non. Mais non, c'est des bagues comme ça, c'est pour une chevalière. J'en ai pas une. Mais tu montes à combien d'altitude? Non, non, fais-moi. Je peux pas la retirer. Non, mais juste la montrer, ouais, approche. Putain. Ah, tu vas voir ces traces de bronzage. Traces de bronzage, t'as raison, toi, espèce d'andouille. Mais t'achètes ciao, ça c'est chez. C'est où, ça chez. Non, ça c'est le marché. Qui loue tout. Qui loue tout. Tu devrais louer trois bagues pour faire le barrière. Sous le soleil. Là, elles sont pas mal, elles sont belles. C'est Bibi qui me les a payés l'année dernière, celle-là. Ouais, sur quoi, des trucs à 1 franc, là, dans les fêtes? Ouais, c'est un brique à 20, ça. C'était ça, une. Non, il y a ça, c'est une peluche. Elle a investi. Non, il y a eu ça, puis une moto en forme de briquet qui m'a. Là, j'ai eu peur. Un briquet en forme de moto, peut-être, non? Ouais. Hein? Ben, c'est un briquet en forme de moto. Ah, t'as dit une moto en forme de briquet. Ah, ouais, bah, tu vois. Eh, c'est presque pareil. Tu lèves le siège, c'est un briquet qui est dedans. Ok. Ouais, t'as le feu au cul, quoi. Voilà. D'accord, mais ça s'allume quoi, là quand t'allumes, c'est côté, c'est derrière le passager, le mec qui est derrière ou c'est celui qui conduit devant? Non, non, c'est devant. C'est celui. Ah, d'accord. Vers le réservoir. Ouais, bah, faut regarder que ça saute pas. Elle va vouloir allumer une clope. Ça va sauter. Et le fait d'avoir une montre comme est obligé d'aller faire le. Donc quand il n'y a plus d'essence, tu vas faire le plein. Bah ouais, c'est le plein. Dans une station. Voilà. Vérifie bien quand même, hein, sur le mode d'emploi, c'est pas une diesel ou du sans-plomb. Hein. Tu mets quoi? Tu mets du sans-plomb dedans? Non, du diesel. Du gasoil. Tu l'as pas ramené? Non. Moi non, je veux pas la ramener, elle est trop grosse. T'as pas le permis sans ça? Non, non. C'est une Davidson? Ouais, en plus. C'est une Davidson? Ah bah dis donc. Allez sur la. Allez à la. Allez, c'est dessus la télé là. Ah, sur la télé. Il te faut le parfum peut-être avec, non? Bah je l'ai déjà le parfum, c'est Sandy qui l'avait payé. Le parfum Davidson? Mais ça t'a dit un an ça? Bah ouais, je l'ai toujours. Ouais, ça peut-être toi que tu finisses la bouteille, il va virer. Hein. Non, mais elle va bien m'en retrouver d'autres, elle. Ah bah du Davidson, je sais pas si ça se trouve facilement. Hein. Non, si. Je sais plus, hein, ils sont en procès là. Je sais pas. Peut-être aller chez Depora ou. Je sais pas, chez Sephora je pense pas, mais chez Depora peut-être. Ouais, ouais. Du Davidson, non, mais il doit voir ça lui, chez lui, Casto. Ouais, chez Soho. C'est très bien. Chez Fildar, il y en a. Je sais pas où faut trouver ça. Non, non, on va demander à Fildar, il va nous trouver une adresse avant ça, avant. Tu peux pas faire www.davidson.com. Ça va être trouvable. Donc là, en ce moment, tu nous as mis un petit parfum du brut, là. Donc là, tu sens le brut. C'est vrai. Tu sens avec la chaleur, brut de chez brut. Il vient de se lever, là. D'accord. Non, avec la chaleur, tu m'étonnes que c'est déjà parti, là. C'est clair. Ah, viens, je t'y mecte un peu, là. Ta gueule. Même avec le rhume, je te sens. Mais bosse, là, feignasse. C'est vrai que ça, c'est des heures de parfois qui tournent vite, quoi. Ouais, ça au soleil. Bah, tu fous du brut à 30 degrés quand t'es sous le soleil à 30. Tu m'en veux. Ah, tu veux. Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, faut qu'il, comme il dit, hein, fais gaffe qu'à un moment donné, tu t'allumes pas tout seul, hein. Il n'y a pas de danger. T'es sûr, hein? Ouais, ouais. Fais gaffe que t'as un jour, t'allumes pas une clope, tu te retrouves en flamme, qu'on va croire qu'après c'est, Ouais, faut faire attention, hein. Bon, en tout cas, tout va bien, t'as la forme, t'as le sourire, t'es content d'être là. Ouais. Ça nous fait plaisir aussi de t'avoir. C'est cadeau, quand même. Ah, oui, c'est vrai qu'on a des cadeaux. Alors, on avait, Nalwen. Ouais. T'es là toujours? Ouais. Donc là, on va faire la pause, bien sûr, parce que, forcément, on a un petit peu parlé. Mais ensemble, Nalwen, on va ouvrir, puisque ce soir, Gérard a reçu des cadeaux. Donc, regarde, t'as vu, on t'a acheté. Alors, ça, c'est perso, c'est de notre part. Ouais. Non, avant. Ça, c'est de ouais. Moi, ça, c'est pour toi, ça m'étonnerait. C'est de qui, ça, ton ami? C'est de du chef. Exactement. Mmh. Donc, j'ai acheté du. Tu regardes la marque? Non, bon, moi, alors, regarde, t'en pas. T'en es de la marque, à mon con. Création. Bah ouais, pareil. Pareil création, c'est mieux que Calvin Klein, ça. Oh là là, le t-shirt de ouf. Moi, bah, je le. Non, il est bien. C'est quoi comme barre? C'est un Burberry's. Un quoi? Un Burberry. Non, c'est l'Antarctique. Et ça, c'est quoi comme marque? Ça. Et en direct? Gentil 1000. 100 000, non, gentil 1000. Toi, t'es gentil 1000. 100 000. Voilà. C'est quoi, ça? Ah, c'est une marque 100 000. Alors ça, ça me dirait perso parce que je me suis dit on va pas se voir pendant tout l'été. Toi tu risques de partir sur les plages et tout, t'éclater. Peut-être que tu fais une tournée des plages. Il va à la boule. Il va à l'air de sable, hein, c'est tout. Tu vas peut-être partir à la boule pendant tout l'été. À la boule, là, génial, ils font les travaux. Non, bah, on va aller au Mont-Saint-Michel. Ouais, voilà, bien. Ça, alors, c'est vas-y, bien. C'est pas pollué là-bas. Alors comme tu seras au Mont-Saint-Michel, je me suis dit, je vais t'offrir une petite manche de surf. Pour que tu puisses mettre autour du cou. Oui, j'espère que ça te fait plaisir. Bah ouais. Voilà. Je te remercie. Y a pas de problème, ça me vient du cœur. Et là, le gros cadeau, c'est Fesse de Babouin qui a envoyé ça. Ça, c'est la lettre qui va avec, ça. Ouais. On le lira peut-être après. Alors, ouvre le cadeau quand même. Ah, ouvre. La part de Fesse de Babouin. Déjà, ça fait moi rire, Gérard, déjà, Fesse de Babouin. En tout cas, t'as mis un beau paquet cadeau, hein. Ouais. Parce qu'il est vraiment plein de couleurs. Une boîte Adidas. Attention, Noël, tu connais, C'est des pompes Adidas, non? Alors, Adidas, comme mon frère, Noël, non, t'es là? Non. Ouais, t'es là, excuse-nous, hein, mais on commente avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a un t-shirt déjà. Alors, ouvre le t-shirt, qu'est-ce qu'il y a devant le t-shirt. Voilà. Alors, t-shirt blanc, Noël. Ouais. Et derrière, il y a une petite inscription, il y a quelque chose. Radio Gérard. On n'en parle plus de ça. Ça, c'est fini. On n'en parle plus, ça a disparu. On parle plus de ce site. Non, mais ça a été retiré. Non, c'est vrai, on n'en parle plus de ce site, c'est disparu. Ensuite. Une télécommande de télé, je sais pas pourquoi. C'est peut-être dedans. Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans encore, Gérard? Un truc de poignée. Une poignée de porte, ça c'est bien ça pour ta cave. Ah, du pain carrément, donc vas-y. Il est fun. Vas-y, le pain carrément. Elle a très peu servi, Marc, sur la lettre. Et quoi encore? Détergent de cafetière. Attends. Un truc de Game Boy. De Game Boy, d'accord. Game Boy, de Gang Gang. T'as Gang Gang. Un porte-clés comédie, je pense que, ouais. Ouais, c'est quand même pas mal, c'est du beau cadeau. Ah, c'est pas foutu de ta gueule, hein. Ah ouais, les comédies, c'est hoche, hein. Qu'est-ce qu'il y a, un jeu Game Boy? C'est quoi, ça, samedi 27 mai, c'est déjà passé. Ah, il y a une classe pour les Martiteuf. C'était un truc de, je sais pas quoi. Ah, ça, c'est passé. C'est déjà ce qui compte, hein. Un CD pour se connecter à Internet. Hein. De chez toi. J'en ai pour besoin. Attends, c'est un CD là, quand même. Ah ouais. C'est quoi ça? Monsieur Brut. Bah oui, ça tourne. Non, Monsieur Bruit.